Souvenez-vous de Z, Yves Montand, alias Grigoris Lambrakis, écharpé par une auto, assassiné par des nervis au service des militaires. Le beau film de Costa Gavras est sorti en 1969, mais l'histoire, la véritable histoire du député Lambrakis, s'est passée en 1963, en mai 1963. 4 ans plus tard, les colonels grecs prenaient le pouvoir et le pays allait sombrer dans une longue dictature. Tortures, exactions, détentions arbitraires, corruption allaient être le quotidien des Grecs pendant 7 ans. Si j'ai d'abord évoqué les images de Z, c'est que j'ai eu sans cesse l'impression de les avoir sous les yeux tandis que M. X me parlait. Ces événements peuvent sembler lointains, et pourtant ils ont produit des conséquences qui aujourd'hui encore sont très actuelles. La partition de Chypre, par exemple. Chypre qui sera bientôt membre du club européen. Mais si M. X a voulu revenir sur ce putsch des colonels grecs, c'est que tout n'a pas été dit. Les militaires grecs n'ont sans doute pas agi de leur propre chef. En cette période de guerre froide, la Grèce occupait en effet une place stratégique entre Méditerranée et Balkans, et l'Occident ne pouvait pas tout à fait s'en désintéresser. De ce point de vue, la liberté d'un peuple ne pesait pas lourd. Dans cette affaire, il faut d'abord rapprocher les dates. Le putsch des colonels commence le 20 avril 1967. 1 mois et quelques jours plus tard, la guerre des 6 jours éclate. Alors, vous pensez qu'il pourrait y avoir un rapport entre ce coup d'État en Grèce et une guerre qui va opposer Israël et les pays arabes? Et qui va aboutir notamment à l'occupation de la Cisjordanie. Ouais, alors vous me demandez s'il pourrait y avoir un rapport? Je le pense, oui. Tout le monde le savait. Une nouvelle guerre était inéluctable au Proche-Orient. Les signes étaient nombreux qui montraient que la tension ne cessait de monter et chacun avait choisi son camp. Ouais, chacun voulait dire les grandes puissances. Ben, naturellement. À Moscou, on soutenait plutôt les pays arabes. À Washington, c'était Israël, sans hésitation. Et la Grèce n'était pas très éloignée de la Palestine. Ah oui, une éventuelle base arrière, c'est ça? Pourquoi pas? Mais si ça vous paraît abracadabra, dantesque, passons. J'ai pas dit ça. Bon, voyons le contexte, en Grèce même. Vous le savez sans doute, mais les suites de la Deuxième Guerre mondiale ont été très difficiles dans ce pays. Oui, la guerre civile. Oui, une guerre qui commence avant même la libération. Elle oppose les résistants communistes et les résistants monarchistes. Qui lutte pourtant contre le même ennemi, hein, c'est-à-dire l'armée allemande. Oui, ajoutons, car on les retrouvera plus tard, qu'il y a aussi de nombreux collaborateurs, y compris dans l'armée. Mais enfin, je vais aller vite. Athènes est libérée par les troupes britanniques à l'automne 1944. Des troupes qui remplacent presque naturellement celles du Troisième Reich. Londres se pose en protecteur. En effet, il ne faut pas oublier que dans le grand marchandage européen mis en œuvre par les alliés, la Grèce a été rangée à l'ouest. Ouais, qu'acceptent mal les communistes grecs. C'est évident, et ils passent à l'action. La guerre civile durera jusqu'en 1949 et elle sera particulièrement cruelle. Il y aura des centaines de milliers de victimes. Et ça se termine par la défaite des communistes. Oui, hein. La répression est féroce et elle laissera des traces. Mais ce qu'il faut tout de suite noter, c'est qu'assez rapidement, les Britanniques vont mettre les pouces. Dès 1947, ils renoncent à la tutelle qu'ils exerçaient et ils passent la main aux Américains. Washington accorde alors aux Grecs une aide massive. Oui, dans le plan Marshall. Oui, c'est ça. Car la guerre froide a commencé. Et les États-Unis veulent endiguer le communisme un peu partout dans le monde. Et en Grèce, ils envoient leurs conseillers militaires et des milliers de tonnes d'armement. Le résultat, c'est qu'à la fin de la guerre civile, ils vont disposer sur le territoire grec de plusieurs bases aériennes et navales et obtiendront de la Grèce qu'elle rejoigne l'OTAN. On peut affirmer sans risque d'être démenti que les Américains vont à partir de ce moment exercer une véritable tutelle sur la Grèce. Enfin, essentiellement à cause de l'aide économique qu'ils apportent. Notamment. Le pays est alors sous perfusion et rien ne peut se décider sans l'aval des États-Unis. Mais sur le plan politique alors? La monarchie a été rétablie et ce sont les conservateurs qui sont au pouvoir. Et au moins jusqu'au milieu des années 50, ils gouvernent d'une main de fer et continuent à pourchasser les opposants de gauche. Il faudra l'arrivée du premier ministre Constantin Karamanlis, celui qu'on a appelé le De Gaulle grec, pour que l'étau se desserre. Mais la guerre civile a laissé de profondes cicatrices. Et des divisions. Forcément, et des haines. Ce n'est qu'en 1962 que le gouvernement déclarera officiellement que la guerre civile est terminée. Jusqu'à cette date, d'anciens résistants étaient toujours emprisonnés, tandis que ceux qui avaient collaboré avec les nazis se pavanaient. Ah bon, parce qu'il n'y a pas eu d'épuration? Non, pratiquement pas. Toujours à cause de la guerre civile. La priorité pour les hommes au pouvoir, c'était la lutte contre les communistes. Et tous les concours étaient les bienvenus. L'autre conséquence de la guerre civile, c'était le poids de plus en plus important de l'armée. Une armée qui était loin d'être progressiste, vous l'imaginez bien. L'année clé, c'est 1963. Alors, que se passe-t-il là ? Bien, plusieurs événements très importants. Il y a d'abord la mort du roi, Paul II. Il est remplacé par son jeune fils, Constantin. Le nouveau monarque est assez pâle. Il se trouve surtout sous la coupe de sa mère, Frédérica, une femme qui prône en toute chose l'utilisation de la manière forte. Oui, et dont l'attitude n'a pas été très nette pendant la guerre. On peut le dire. Enfin, en 1963, c'est aussi l'année de l'assassinat du député de gauche, Lambrakis. Ouais. Zed. Oui. C'est son histoire que raconte ce fameux film. C'est l'armée et ses services secrets qui se trouvent derrière cet assassinat. Une armée qui est un véritable état dans l'état et dont beaucoup d'officiers ne cachent pas leur sympathie pour la droite la plus extrême. Enfin, 1963, c'est aussi l'année où, pour la première fois depuis la fin de la guerre, un gouvernement centriste est légitimement élu. C'est la première fois donc que les conservateurs ont perdu la main. Ouais, ça passe très mal dans les casernes. Parce que le premier ministre, Georges Papandréou, a beau affirmer qu'il est centriste, on le soupçonne de rouler pour la gauche. Mais qu'en est-il en réalité là ? Papandréou est un authentique modéré, plutôt anticommuniste. À la fin de la guerre, il a en effet présidé un gouvernement soutenu par les Anglais. Gouvernement qui a mené le combat contre les communistes. Mais c'est son fils, Andreas, qui fait peur aux conservateurs et aux militaires. Et pour quelle raison alors ? Andreas, lui, se range à gauche. Carrément ? Oui, et on dit qu'il a une grande influence sur son père. Alors quand en 1964, Papandréou le fait entrer dans son gouvernement, c'est la panique. D'autant qu'Andreas est soupçonné d'être à l'origine de la création d'une association de militaires censée faire pièce à une autre organisation clandestine et rassemblant les officiers d'extrême droite infiltrés dans l'armée. Oui, ça veut dire que la situation est donc très tendue. Oui, car le gouvernement de Papandréou entend se faire obéir de l'armée, ce qui est la norme dans toute démocratie. Ça ne plaît pas du tout au roi Constantin et surtout à sa mère. Et les militaires, forts du soutien du palais, multiplient les provocations et même des attentats. Et ils accusent Andreas de déstabiliser l'armée. Conséquence, en 1965, Papandréou est contraint par le roi à la démission. Il est remplacé par un conservateur, j'ai dit. Oui, mais en Grèce, chacun sait que c'est provisoire tant la situation politique semble de plus en plus ingérable. Songez qu'en moins de 2 ans, 4 cabinets se succèdent. Est-ce qu'il y a déjà des rumeurs de putsch ? En effet. Parce qu'en 1967, doivent avoir lieu de nouvelles élections et que, selon toute évidence, Papandréou et les siens vont les gagner. Or, ni le roi, ni les militaires ne sont prêts à accepter son retour. Par conséquent, il leur faut intervenir avant les élections ? Oui. Et prendre le pouvoir par la force. Évidemment. Et tout le monde s'y attend, plus ou moins. Un journal de gauche peut ainsi titrer « Pourquoi n'y a-t-il pas encore eu de coup d'État ?» Effectivement. Et son édition ne sera jamais distribuée. Car les journalistes ont composé ce titre la nuit même du putsch, c'est-à-dire le 20 avril. C'est un putsch classique. En pleine nuit, les chars sortent des casernes et foncent en direction du centre d'Athènes. Leurs objectifs, ce sont l'Assemblée, le Palais Royal, l'immeuble de la radiodiffusion et le grand central téléphonique. Oui, c'est-à-dire les centres de la vie politique et les communications, bien sûr. Mais pourquoi le palais royal, enfin le roi n'est-il pas partie prenante de ce putsch ? Il feint en tous les cas de ne pas être au courant. Mais c'est peu vraisemblable. Admettons simplement qu'il a peut-être été pris de court, parce qu'il n'était pas prévu que le putsch intervienne aussitôt. Mais la surprise pour le roi ne dure guère. La meilleure preuve, c'est que dès le petit matin, la radio diffuse un décret royal qui déclare l'état de siège, suspend les principales garanties constitutionnelles et institue des tribunaux d'exception. Et vous pensez alors que tout était prêt à l'avance ? J'en suis persuadé. Mais les putschistes ne se contentent pas de se saisir des instruments du pouvoir. Ils procèdent aussi immédiatement à des milliers d'arrestations. Les partisans de Papandréou, non ? Pas seulement. Des hommes politiques modérés, même de droite, sont également incarcérés et conduits dans des casernes ou des stades. Ouais, comme au Chili, au fond. Il y a beaucoup de ressemblances entre les deux putschs. Et ce ne sont pas seulement des ressemblances factuelles. Enfin, on y reviendra, si vous voulez bien. En fait, alors, qui sont les putschistes ? Curieusement, et c'est la seule vraie surprise, ce ne sont pas des généraux, mais des colonels. Les généraux qui entendaient, eux aussi, s'emparer du pouvoir avec la complicité du roi, se sont fait brûler la politesse par des subordonnés. Le premier d'entre eux, celui qui tire toutes les ficelles, étant le colonel Papadopoulos, le chef des services secrets. Mais je reviens à ce que je vous disais, c'est énorme et immédiate rafle. Mais immédiate, ça veut dire que tout avait été minutieusement préparé. C'est évident, les putschistes disposaient de toutes les adresses des opposants et des hommes à mettre à l'ombre. Pour une raison très simple, les colonels n'avaient fait qu'appliquer le plan Prométhée. Qu'est-ce que c'est que ça, le plan Prométhée ? Un plan mis au point par l'OTAN en cas de guerre avec les communistes. Un plan qui prévoyait des arrestations préventives pour assurer la sécurité intérieure du pays. Christophe Chiclet est un journaliste qui connaît très bien la Grèce. En avril 1987, pour le 20e anniversaire du putsch des colonels, il décrit dans le journal Le Monde ce qui s'est passé dans la nuit du 20 au 21 avril 1967. Parallèlement à cette occupation sans coup férir de la capitale, les putschistes organisent une gigantesque rafle dans l'agglomération d'Athènes-le-Pirée. Près de 10 000 personnes sont entassées dans la caserne de Goudi, l'hippodrome du Falaire et le stade d'Athènes. Spectacle odieux de camions militaires s'arrêtant devant des maisons bien précises, portes qui éclatent sous les crosses, hommes hébétés jetés en pyjama dans les véhicules vert kaki. Souvenir de l'occupation allemande et de la guerre civile. De 15 à 75 ans, le peuple de gauche est une nouvelle fois dans la ligne de mire, mais à l'étonnement de tous, ministres de droite et députés centristes sont aussi du lot. À 2h, Yanis Katris, reporter et ami de Georges Papandréou, téléphone à ce dernier. Une voix inconnue lui répond « Nous avons une dictature, les chars descendent et les arrestations commencent ». C'est aussitôt le branle-bas de combat dans les rédactions. Il ne durera guère. Une demi-heure plus tard, des soldats arrêtent tous les directeurs ou rédacteurs en chef des grands quotidiens. Les kiosques à journaux resteront terriblement vides au petit matin. Chez Andreas Papandréou, fils de Georges et leader de l'aile gauche de l'Union du Centre, la situation est plus dramatique. Sa femme Margarita, de nationalité américaine, appelle à l'aide à 2h30. Mais à l'instant même, l'ensemble des communications intérieures et avec l'étranger sont coupées. Athènes est plongée dans le silence de la dictature. Ce plan promettait, selon vous, a été conçu par l'OTAN. Bon, donc soyons clairs, c'est par les Américains. Incontestablement. Mais nous en parlerons, voyons, auparavant la suite. Oui, une question. Mais les colonels ont pris le pouvoir à Athènes, hein, ce qu'on avait dit. Mais dans le reste du pays. Ah ben, il ne se passe rien. Les chefs des différentes unités militaires sont informés que des officiers royalistes ont simplement pris l'initiative d'appliquer le plan Prométhée. Ah, toujours, oui. Quand ils s'apercevront que les colonels putschistes ont détourné à leur profit l'exécution de ce plan, il sera trop tard pour réagir et ils se rallieront facilement. Ça leur sera d'autant plus aisé qu'ils auront vraiment l'impression que c'est leur roi qui est derrière. L'impression seulement? Oui. Les putschistes prennent bien soin de constituer un gouvernement dirigé par des royalistes. C'est une fiction. Et d'ailleurs, ces fantoches seront bientôt remerciés et leur roi avec eux. Ah oui, alors quand ? En décembre de la même année, le roi essaiera bien de résister, de reprendre le pouvoir à ses colonels qui veulent le réduire à un rôle de potiche. Mais pour lui aussi, il est trop tard. Il appellera en vain l'armée à le soutenir et il prendra le chemin de l'exil. Alors au fond, il ressort de ce que vous avez dit que les colonels se sont purement et simplement servis de lui. Oui, c'est ça, c'est la vérité. Et à partir de décembre, les Grecs savent qui dirige le pays. Un quarteron de colonels qui ont tous occupé des fonctions dans les services secrets et la police militaire. Et leur chef, là, c'est Papadopoulos. Oui, un chef qui impose un régime de terreur. On ne compte plus les arrestations arbitraires, les actes de torture, les déportations dans des camps situés sur des îles inhospitalières. Tout cela accompagné par une censure imbécile. Songez que même les pièces de Sophocle seront interdites. C'était en effet un dangereux révolutionnaire. Et ça avait duré de longues années, hein, jusqu'en 1974 exactement. C'est ridicule. Enfin, et comment réagit-on à l'étranger? Enfin, je me rappelle que le régime des colonels a été vigoureusement condamné. C'est vrai. À l'ouest, ce sont les pays scandinaves et les Pays-Bas qui ont réagi avec le plus de célérité. Ils ont porté plainte contre la Grèce devant la Commission européenne des droits de l'homme. Et la Grèce finira par être exclue du Conseil de l'Europe. Enfin, un peu partout, on a protesté, manifesté. Souvenez-vous des chansons de Mikis Theodorakis ou des propos enflammés de Mélina Mercouri. Et aux États-Unis? Le département d'État, comme la plupart des ministères des Affaires étrangères, a condamné le putsch. Oralement, toutefois. Et les livraisons d'armes, un temps suspendues, n'ont guère tardé à reprendre. En fait, mais vous l'avez compris, depuis le début, les Américains avaient une large part de responsabilité dans ce qui venait de se passer en Grèce. Il y a quand même toujours tendance à voir les Américains partout, non? Écoutez, est-ce que c'est de ma faute s'ils sont effectivement partout? On ne le constate que trop aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. Je ne fais pas de l'anti-américanisme primaire. Et je suis le premier à reconnaître ce que nous devons aux Américains. Mais je suis aussi bien placé pour savoir que nos amis ont toujours eu tendance à être excessivement interventionnistes. Et puis cette affaire grecque en est une parfaite illustration. Alors, pour bien comprendre, remontons un peu le temps. Depuis 1947, Washington, je vous l'ai dit, s'intéressait de très près à la Grèce. Oui, à cause de sa position stratégique en Méditerranée, Et à la faveur des centaines de millions de dollars d'aides économiques et militaires, l'Amérique jouait un rôle prépondérant dans la vie politique grecque. Mais dans les années 50, les Américains sont allés encore plus loin. obsédé par la menace communiste. Une menace qui était réelle quand même dans ces années-là. Je vous l'accorde, donc. La CIA, en parfaite collaboration avec le service secret grec, le KIP, crée dans le pays une structure de type Gladio. Ouais, cette organisation Gladio dont nous avons tout récemment parlé. Oui, hein. Il s'agit, comme dans les autres pays que j'ai déjà évoqués, de mettre en place une structure clandestine capable de résister en cas d'invasion communiste. Et pour cela, comme ailleurs, on installe des dépôts d'armes et d'explosifs. On recrute des hommes susceptibles de former cette armée secrète de réserve qu'on baptise Toison Rouge. Pourquoi Toison Rouge? Bon, sans doute en référence avec la toison d'or de la mythologie. Oui, bon, pourquoi pas. Les cadres de cette Toison Rouge là sont obligatoirement des militants anticommunistes. Hein. Ça ne pouvait pas en être autrement. Et c'est dans les milieux d'extrême droite et dans l'armée, la vraie, que ces hommes ont été recrutés. Beaucoup d'entre eux ayant d'ailleurs pactisé avec les nazis pendant la guerre. On retrouvera ces mêmes hommes dans cette organisation d'extrême droite infiltrée dans l'armée. Chez les putschistes. Bien évidemment. Papadopoulos en était? Obligatoirement, à double titre. En tant que membre du KIP ou KIP, le service secret grec, mais aussi parce que c'était un agent de la CIA. Alors, vous prétendez donc que c'est un agent de la CIA, hein, si je vous ai bien entendu, qui a pris le pouvoir lors du putsch des colonels. Absolument. Ce n'est pas le seul correspondant de l'agence américaine qui est parvenu au pouvoir. Souvenez-vous de Noriega. Ouais, d'accord. Ouais. Et selon vous, alors, ça explique le fait que les États-Unis n'aient pas condamné le putsch avec une très grande fermeté. Bien sûr. Papadopoulos au pouvoir, ça les arrange. Ouais, tant pis si les libertés publiques sont sacrifiées. C'est la triste vérité. Démocrates chez eux, les Américains n'ont jamais hésité à soutenir à l'extérieur des régimes autoritaires. Autrefois au nom de la lutte contre le communisme et aujourd'hui au nom de la lutte contre le terrorisme. Et toujours bien entendu en n'oubliant pas leurs intérêts économiques. Mais quel État agit autrement? Oui, je veux bien, mais enfin... Comment pouvez-vous affirmer de façon aussi péremptoire que les États-Unis sont impliqués dans le putsch des colonels? Car c'est bien ce que vous prétendez, là. Je suis en mesure de vous affirmer que plusieurs mois avant le putsch, le correspondant de la CIA à Athènes, John Mowry, savait exactement ce qui allait se passer. Il connaissait même les noms de tous les futurs membres de la Jihad. Remarquez, si Papadopoulos était vraiment un agent de la CIA, c'était pas sorcier. Vous avez raison. Enfin, la CIA ne s'est pas contentée d'être bien informée. Elle a aussi encouragé les putschistes. Ce même John Mowry n'a cessé de multiplier les contacts avec les colonels et l'entourage du roi. Et il a joué un rôle très important dans l'élaboration du plan Prométhée. Alors, les putschistes ont donc agi sous un parapluie américain. Ouais, c'est à peu près ça. À Washington, on avait très peur du retour de Papandréou et de son fils Andreas, parce qu'on les considérait, non sans exagération, comme des crypto-communistes. C'est-à-dire que si Papandréou était élu, les Américains craignaient que la Grèce ne quitte le... le camp occidental? Ou à tout le moins se montre beaucoup moins docile. Et je vous le rappelle, les États-Unis disposaient de bases très importantes en Grèce. Un gouvernement de gauche pouvait être tenté de limiter la liberté d'action des militaires américains. C'était inacceptable pour Washington. Surtout à un moment où il devenait clair qu'un nouveau conflit allait éclater entre Israël et ses voisins arabes. Enfin, de là à soutenir des colonels d'extrême droite. Ah, le réalisme, monsieur Pénaud, le réalisme. Alors vous me demandez quelles preuves avez-vous? Eh bien, c'est très simple. Des documents américains récemment déclassifiés confirment ce que je savais d'ailleurs depuis longtemps. Des documents qui ont été en partie censurés, mais qui prouvent, sans aucune ambiguïté, que les États-Unis ont été des fervents supporters des colonels d'Athènes. J'ai moi-même consulté sur Internet un site du gouvernement américain qui a rendu public ses informations sur les liens entre la CIA et les futurs putschistes grecs. Il figure aussi des relations de conversation entre l'ambassadeur américain et le roi, où Constantin exprime clairement son aversion pour les Papandréou et sa volonté de tout faire pour les empêcher de parvenir au pouvoir. Autre chose. Dans un petit livre publié aux éditions Complexe, La géopolitique de la Grèce, Georges Prevelakis analyse l'attitude de l'armée grecque et ses rapports avec les Américains. Je le cite. Après la défaite des communistes grecs en 1949, l'armée s'est retrouvée dominée par des officiers de droite. Sous l'influence des Américains, elle a vu son rôle évoluer dans le cadre de la lutte contre le communisme et du containment de l'URSS. Mais la répartition des tâches au sein de l'OTAN ne laissait pas beaucoup d'initiatives aux officiers grecs chargés de l'exécution de plans élaborés ailleurs. En même temps, l'expérience des pronunciamentos d'avant-guerre imposait à l'armée une allégeance sans faille au régime. Ainsi, le corps des officiers a peu à peu perdu son caractère d'élite et a commencé à recruter au sein de couches plus populaires et plus conservatrice. Dans les années 1950 et 1960, un groupe organisé d'officiers d'extrême droite s'est servi de l'armée comme un instrument de déstabilisation de la vie politique en multipliant les provocations et autres actions illicites. C'est une organisation souterraine, l'IDEA, fondée par des officiers, qui fut à l'origine de la dictature militaire de 1967-1974. Avec d'autres noyaux d'extrême droite, elle a constitué ce qu'on appelait le para-État, responsable notamment de l'assassinat du député de gauche Grigoris Lambrakis à Salonique en 1963. Véritable État au sein de l'État, le para-État, a empoisonné la vie politique grecque au point que le Premier ministre, Karamanlis, demandait en public, après cet assassinat, « Mais enfin, qui donc gouverne ce pays ?» Malgré la condamnation quasi unanime du régime des colonels par la communauté internationale, les États-Unis ont donc soutenu, sans trop se cacher d'ailleurs, les putschistes. Un soutien qui, sous la présidence de Richard Nixon à partir de 1969, s'explique aussi par des raisons politiques plus obscures. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Je voulais d'abord vous parler d'un homme, un journaliste grec très influent, Elias Demetrakopoulos. Dès l'arrivée au pouvoir des colonels, il fuit son pays et trouve refuge aux États-Unis, à Washington précisément. C'est à partir de la capitale fédérale américaine qu'il entreprend de mener une campagne très efficace contre la dictature qui sévit dans son pays. Naturellement, comme vous pouvez l'imaginer, cette action irrite Athènes. Mais pas seulement Athènes. C'est américain, vous voulez dire. Oui, bien sûr. Et Demetrakopoulos acquiert assez vite la conviction que sa vie est en danger. Les services secrets grecs veulent l'éliminer. Le tuer, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais l'assassiner à Washington, ça risque de créer pas mal de tumultes. Par conséquent, il est plutôt envisagé de l'enlever et de le transférer en Grèce où il serait aisé de se débarrasser de lui. Je veux bien, mais enfin, le rôle des Américains là-dedans. Les Grecs espéraient bien compter sur la bonne volonté des services américains. Une bonne volonté acquise. Certainement, parce qu'au plus haut niveau, on avait intérêt à museler Demetrakopoulos. Et au plus haut niveau, à la Maison-Blanche. Oui, je parlais de Nixon et de son conseiller Henry Kissinger. Oui, mais enfin, pourquoi? Ce journaliste grec avait surpris un secret d'importance. En 1968, la campagne électorale de Nixon avait été en partie financée par de l'argent grec. De l'argent grec, ça signifie quoi exactement? De l'argent versé par les colonels via un important homme d'affaires grec qui vivait aux États-Unis. Et c'était parfaitement illégal, car il était interdit à un candidat à l'élection présidentielle d'être financé par un gouvernement étranger. Alors selon vous, les colonels grecs voulaient acheter Nixon? En tout cas, ils désiraient s'attirer les bonnes grâces du futur président des États-Unis. Et dans cette affaire, il n'est pas inintéressant de souligner que le colistier de Nixon s'appelait Spiro Agnew, un ultra-conservateur d'origine grecque. Un politicien qui, lors d'un voyage officiel en Grèce, n'hésitera pas à déclarer que le gouvernement des colonels était le meilleur depuis Périclès. En effet, oui. Et donc, ce journaliste, Demetrakopoulos, a percé ce secret, Effectivement, et c'est très embarrassant pour la Maison-Blanche, car ce journaliste grec transmettra l'information aux adversaires de Nixon. Les démocrates. Oui, et au Congrès, on envisagera d'enquêter sur cette affaire de financement. Mais Kissinger fera en sorte de bloquer toute investigation. Toutefois, cette histoire laissera des traces. Car il n'est pas interdit de penser que les cambrioleurs du Watergate avaient aussi pour mission de voler les documents que Demetrakopoulos avait remis au Parti démocrate. Enfin là, nous nous éloignons un petit peu du sujet. Je pense néanmoins vous avoir convaincu de l'existence de ces connivences qui existaient entre la junte grecque et Washington. Oui, c'est vrai qu'il y a des éléments troublants, mais enfin si je vous suis bien, il faudrait aussi rapprocher les dates, car c'est en 1974 que les colonels vont être amenés à quitter le pouvoir. Et que le président Nixon va être contraint de démissionner. Vous avez raison de souligner cette coïncidence qui n'en est peut-être pas une. Car avec la chute de Nixon, les putschistes perdront leur soutien le plus important. Alors, voyons comment les choses se sont passées en Grèce. À l'automne 1973, les colonels, et surtout Papadopoulos, donnent quelques soucis aux Américains. C'est à l'occasion de la guerre du Kippour. Je vois pas le rapport, là. Les Grecs ont toujours entretenu de très bons rapports avec les États arabes. Géographiquement, ça se comprend. Oui. Et quand la guerre du Kippour éclate en octobre 73, les dirigeants de la junte s'opposent à ce que leur territoire soit survolé par des avions américains qui viennent épauler les Israéliens en difficulté. L'accro est de taille, et la conséquence presque inéluctable, Papadopoulos s'est déposé dès le mois de novembre, et son premier ministre, Marcusini, en même temps. Comment ça se passe alors? Bah, dès le mois d'octobre, Papadopoulos avait amorcé une relative libéralisation du régime. Il avait même promis des élections. Quelle générosité! Aussitôt, oui, on assiste à des manifestations. Contre cette libéralisation? Ah, non, non, bien au contraire. Ce sont des opposants menés par les étudiants de l'école polytechnique qui descendent dans la rue et qui exigent un changement rapide. La police intervient avec sa brutalité coutumière et il y a de nombreux morts. Le résultat, c'est que le sinistre Ioannidis, le chef de la police militaire, démet Papadopoulos, accusé d'être trop mou. Ce Ioannidis, là, de par ses fonctions, est donc déjà l'un des principaux responsables de la politique de répression du régime. Oui, oui, enfin, les camps, les tortures, les assassinats, c'est lui. Ajoutons, mais ça ne vous étonnera pas, qu'il est lui aussi un correspondant de la CIA. Ben, ce qui permet de penser que Washington n'a peut-être pas été étranger à ce nouveau coup d'État. Alors, vous suggérez que Papadopoulos... aurait pu être victime d'une vengeance des Américains furieux de s'être vu interdire le survol de la Grèce par leurs avions? Ce n'est pas à exclure, car des témoins ont cru reconnaître parmi les manifestants qui ont affronté la police des agents provocateurs, des militaires qui auraient tout fait pour que ces manifestations dégénèrent. Alors Papadopoulos a donc été trahi par les siens, c'est ça? En quelque sorte, oui, oui. C'est son complice de 1967 qui l'a débarqué. Comme la présence de Ioannidis risque d'être un peu trop voyante à la tête de l'État, il porte à la présidence un général, Gizikis, et fait nommer comme premier ministre un avocat de Chicago d'origine grecque. Vous voyez que là encore, les Américains sont très présents. C'est donc un régime encore plus réactionnaire qui est mis en place avec ce Ioannidis, là. Oui, oui, mais nous l'avons dit, à Washington, Nixon, accablé par le scandale du Watergate, vacille. D'autre part, nous en avons parlé il y a quelques mois, la CIA, elle aussi, est violemment attaquée aux États-Unis. Oui, tous les mauvais coups qu'elle a perpétrés, c'est ça. Et qui font l'objet d'une enquête parlementaire. Enfin bref, ça sent mauvais pour la junte grecque. Et comme dans ces cas-là, les dictatures cherchent toujours à pallier leurs difficultés intérieures par des aventures extérieures, les colonels finiront par tomber sur la malheureuse affaire chypriote. Et pardonnez-moi d'insister, mais là aussi, les Américains et ce cher Henry Kissinger portent leur part de responsabilité. Mais c'est peut-être une autre histoire. Parlons-en, si vous le voulez bien, dans notre prochaine conversation. Y a-t-il un rapport entre la décision grecque de refuser le survol de son territoire par les avions américains et le renversement de Papadopoulos et de son premier ministre, Marquezinis? Je me suis reporté à une émission de France Culture, animée par Emmanuel Laurentin et diffusée en l'an 2000. Le journaliste interroge Théodore Koulombis, professeur de relations internationales à Athènes, qui déclare d'abord « Les USA ne prenaient pas en considération la petite cuisine des affaires grecques, mais ce qui les intéressait, c'était de préserver leurs intérêts stratégiques dans le pays, leurs bases et les facilités portuaires. La seule chose qui les intéressait, ce n'était pas de prendre parti pour l'un ou l'autre camp, mais pour le camp vainqueur, celui qui était capable de défendre leurs intérêts dans le pays. » Laurentin demande alors si la guerre du Kippour aurait pu avoir un lien avec la déposition de Papadopoulos. Réponse du professeur. C'est une hypothèse de travail très intéressante. Ça reste une hypothèse, mais qui est extrêmement séduisante. Revenons enfin sur le rôle de ce journaliste grec, Demetra Kopoulos. Il semble en effet qu'il ait beaucoup gêné la Maison-Blanche et qu'on ait envisagé, avec la complicité du régime des colonels, de se débarrasser de lui. Ainsi, dans un livre très polémique, « Les crimes de M. Kissinger », paru aux éditions Saint-Simon, le journaliste anglais Christopher Hitchens publie un télégramme secret envoyé par l'ambassadeur américain à Athènes au secrétaire d'État. En voici le texte. « Depuis un certain temps, j'ai le sentiment qu'Elias Demetra Kopoulos est à la tête d'une conspiration bien organisée qui mérite une enquête sérieuse. Nous avons vu à quel point il a été efficace dans le combat qu'il mène contre notre politique actuelle en Grèce. Son but est de nuire à nos relations avec la Grèce, d'affaiblir notre alliance de l'OTAN, ainsi que la sécurité de la position américaine en Méditerranée orientale. C'est pourquoi j'attire votre attention personnelle sur cette question dans l'espoir que vous trouverez un moyen d'activer une enquête au sujet de Demetra Kopoulos pour identifier ses sponsors, ses sources de financement, ses intentions, ses méthodes de travail et ses complices en conspiration. Si j'attire votre attention sur la question maintenant, c'est que je considère qu'en tant que résident étranger aux États-Unis, il doit être possible de le soumettre au type de fouille et d'enquête professionnelle par le FBI qui pourrait éclairer au moins partiellement le mystère. Mais il faut quand même le souligner, à aucun moment l'ambassadeur ne suggère l'élimination du journaliste.